Les Vosges, samedi, sur le 90.7, sur le Grand Nancy, sur le 107 FM, sur le Grand Remiremont. Et donc, nouvelle rentrée avec quelques changements d'horaire. Alors, toujours de 8h30 à 9h à Remiremont, sur Radio Guébouzeau. Et sur RCN, Radio Caraïbes Nancy, eh bien, c'est à présent le samedi de 13h à 13h30 et rediffusion à 6h le dimanche matin. C'est un spécial 14-18 et avec surtout une coloration très actuelle 2018, car il se trouve à côté de Nancy. Il y a une stèle qui va être inaugurée le 10 novembre à 11h à Leyr, ça s'écrit L-E-Y-R, pour commémorer, eh bien, eh oui, les bateaux qui étaient affrétés par la France, par le gouvernement français, là qui ne trouvaient rien à dire à ce qu'ils accostent sur nos côtes françaises, et pas moins de 200 000 Africains sont venus accoster à Fréjus pour combattre sur 14-18. Alors, bien sûr, on leur a promis la nationalité française. Et quand leurs petits arrière-arrière-arrière-petits-enfants arrivent, on leur dit qu'ils n'ont rien à faire chez nous et on les renvoie. S'ils ont pu passer la Méditerranée sans y sombrer corps et âme, eh bien, on les renvoie tout simplement d'où ils viennent, dans des pays impossible, dont les conditions de vie sont impossibles, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs ils essayent de survivre, ce que chacun ferait. Donc c'est un 14-18 un peu particulier, et il se trouve que cette stèle qui va être inaugurée et la commémoration donc à Leyr le 10 novembre à Leyr, à côté de Nancy, eh bien, il se trouve que cette stèle est créée par deux artistes vosgiens. D'une part, notamment, effectivement, Innocent. Et alors, je vous redonnerai son nom, puisque nous l'aurons au téléphone et il le prononcera mieux que moi. Et également, donc, par Philippe Léonard, qui fait donc davantage la gravure. Voilà donc pour cette émission spéciale 14-18, et je vais vous donner quand même tout de suite le nom du sculpteur qui nous dévoilera justement ce qui l'idée forte de sa sculpture, Innocent Tiendré Béogo, qui vient donc du Burkina Faso auparavant, mais qui est sur plombière. Et nous allons écouter une sélection justement de chansons, Charlie Chopin qui nous interprète Au clair de la lune. Verdun, août 1917. Le sergent Émile Pousset, qui est instituteur dans le civil, écrit une dernière lettre à sa femme Mathilde. La veille, il a perdu son meilleur ami, Pierre, dit Pierrot. Il est tombé au champ d'honneur, comme ils ont dit. Heureusement que ses parents ne savent pas comment est mort leur petit. La journée, il a fait très beau et très chaud. On aurait presque oublié que c'était la guerre. Il y en avait même qui chantaient, qui dansaient, comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était. La nuit est maintenant tombée, et seuls quelques rayons de lune viennent dessiner les ombres de quelques soldats endormis. Ma douce, ma belle Mathilde, ma chandelle meurt et je n'ai plus de feu. et je t'écris ces quelques lignes avec les larmes de mon cœur malheureux. On est parti, la fleur au fusil, fier d'aller prendre notre revanche. Allons enfants de la patrie, salués par des mouchoirs blancs. Le curé a béni les canons et les cloches ont fini de sonner. On a entendu le clairon et des femmes se sont mises à pleurer. Mais au clair de la lune, mon vieil ami Pierron, hier tu m'avais prêté ta plume pour qu'aujourd'hui je puisse écrire un mot. Je suis en première ligne et chaque jour on prie le bon Dieu de bien vouloir protéger nos vies sous la mitraille dans cet enfer boueux. Moi je ne voulais pas la guerre, non, moi je voulais juste rester chez moi. Mais ils m'ont dit que je devais la faire, l'honneur de la France, enfin tu vois. Alors j'ai vu saigner la terre et tomber mes amis au combat. Et puis j'ai vu pleurer mon père et ma mère mourir de chagrin. Et au clair de la lune, mon vieil ami Pierrot, hier tu m'avais prêté ta plume pour qu'aujourd'hui je puisse écrire un mot. Demain, ce sera le grand jour. Les canons, on se remet à hurler. Il faudra faire preuve de bravoure quand le lieutenant nous dira de charger. Moi, je ne penserai qu'à toi, mon amour, je fermerai les yeux et comme ça je m'éteindrai avec toi pour toujours. Et puis tu sais, je tirerai en l'air pour être sûr de ne tuer personne. Et je pourrai mourir en paix, je serai resté un homme. Mais au clair de la lune, mon vieil ami Pierrot, hier tu m'avais prêté ta plume pour qu'aujourd'hui je puisse écrire un mot. Alors merci Pierrot. Et merci à vous qui avez fait cette stèle qui va être inauguré le 10 septembre, le 10 novembre à Léhir. Et merci donc à vous. Le vous s'adresse d'une part à Philippe Léonard qui fait effectivement la gravure, mais surtout la conception à Innocent Tiendrébéogo. Bonjour Innocent. Bonjour Hélène. J'ai bien prononcé votre nom parce que j'ai eu un peu peur. C'est correct. Oui. Donc, oui. Vous êtes sculpteur. Oui, je suis sculpteur, modeleur, fondeur de bronze. Et justement... Je suis à Plombières, basé à Plombières-les-Bains. Et vous êtes, comme je disais en présentation d'émission, vous ou votre famille auparavant, originaire de quel pays en Afrique donc? Ben, on est d'origine de... Je suis d'origine burkinabé. Voilà, donc c'est au Burkina Faso. Je suis né. Et pour notre bonheur à nous, puisqu'on va pouvoir voir votre... une de vos dernières œuvres qui va être dévoilée donc ce 10 novembre à Léhir en Meurthe-et-Moselle. Vous avez créé donc une stèle. Est-ce que vous pouvez nous en parler et ce qui a animé justement cette création de votre côté pour la symbolique que vous avez faite? D'accord. Sinon, au départ, il y a Philippe qui est un ami, sculpteur sur pierre. Voilà, qu'on s'est croisé à la Price au festival Camille Claudel. Et depuis, on est resté amis. Donc, il m'en a parlé du gravure sur pierre, si je veux participer à créer quelque chose de plus. Donc, voilà, il m'a expliqué le projet. Et puis, j'ai essayé de faire un bateau qui sera en bronze, genre sous forme arctique, voilà, qui rappellera un petit peu pour les tirailleurs sénégalais qui venaient en France ou en Europe ou dans d'autres pays, quoi. Voilà. Donc, comme notre liaison téléphonique n'est pas très bonne pour nos auditeurs, donc je vais redire. Donc, en fait, là, sur la sculpture, c'est un bateau. Hein, c'est un bateau que vous avez créé en bronze. Voilà, c'est un bateau. Mmh. Et voilà, c'est un bateau que j'ai créé en bronze. Et ce 10 novembre 2018, vous serez présent donc à Léhir pour dévoiler votre œuvre? Oui, je serai présent. Je serai présent. Donc, ça sera l'occasion d'une part de rencontrer les créateurs donc de cette œuvre, notamment vous, Innocent Tiendrébé Ogo, et puis de voir aussi justement ce que signifie cette liaison entre 14-18 et 2018 et le sort qui est fait à ces migrants, notamment venus d'Afrique. Je vous propose, peut-être on va arrêter là notre interview, parce que hélas, ce n'est pas de votre faute ni de la nôtre, mais de ce qu'il y a entre les deux, la liaison téléphonique. Et à l'occasion, eh bien, nous aurons certainement la chance de pouvoir vous rencontrer en studio, soit sur Nancy, sur RCN, soit sur Radio Guémouzo, Armiremont. Et là, on aura l'occasion de davantage parler de tout votre travail d'artiste et de là où vous vous produisez, si vous êtes d'accord. D'accord. Eh bien, merci déjà pour ce que vous faites actuellement et que nous découvrirons donc ce 10 novembre à Léhir et qui sera bien sûr toujours visible puisque c'est une stèle qui est là à demeure, qui sera toujours visible donc à côté du stade hein, de foot de Léhir où se trouvera donc votre stèle, votre création. Hein. Merci à vous encore, Innocent. Merci beaucoup. Merci. Ouais. À bientôt, déjà, ce 10 novembre, à Léhir. Et justement, c'est une Vosgienne qui se trouve aussi sur Nancy, mais elle est d'origine Vosgienne. Au départ, à son arrivée plus exactement, parce qu'elle aussi vient de cette Afrique qui a été mise à largement contribution pendant toutes ces décennies de colonisation. Eh bien, c'est Aïssat qui nous interprète son papier. Dans la ville, dans la cité, il n'y a pas de sans-papier. Promobile a signé dossier empilé trop de papier. dans la cité, dans la ville. Dans la cité, clandérien, clandé, c'est ton destin, clandérien, caché. Ton quotidien, lui, démagogue, en dimanche, distribue des tickets. Voyage à faire, affaire à faire, c'est qu'une affaire de papier. Dans la cité, dans la ville, dans la cité, clandérien, clandé, c'est ton destin, clandérien, caché, ton quotidien, galère, galère, comme ton pays, galère, galère, galère, comme ton pays, galère. Dans la cité, dans la ville, dans la cité, clandérien, clandé, c'est ton destin, clandérien, caché, ton quotidien est démago, en dimanche, distribue des tickets. Aïssat, donc une chanteuse qui est particulièrement investie justement sur ces liens entre l'Europe et plus particulièrement la France et ces pays d'Afrique et notamment l'Afrique de l'Ouest. Avec aussi donc cette liaison 14-18 et puis 2018, je peux aussi vous rappeler qu'effectivement, il y a dans les Vosges un certain nombre, ben justement, il n'y en a pas tant que ça, quelques monuments qui rendent quand même hommage à ces milliers de soldats qui ont été sollicités ou qui sont venus spontanément pour certains, pensant effectivement défendre la mère patrie dont ils se pensaient faire partie. Et après, on leur a dit, vous n'avez plus rien à voir avec la France, hein, que ce soit pour ceux qui ont eu la chance de pouvoir en revenir ou pour leurs descendants. Eh bien, il y a des monuments. Alors souvent, ça a lieu aussi par rapport à la guerre de 40-45, parce qu'il faut quand même se dire que dans le front donc vosgien, c'était la frontière allemande, hein, et ce front était particulièrement dangereux. dangereux, les terrains étaient minés, et qui on envoyait aux premières loges, eh bien, c'était bien sûr tous ces soldats qui venaient d'ailleurs de l'Hexagone français strictement. Indigène, ce film avec Jamel Debbouze, entre autres, l'a bien relaté. Si vous avez pu le voir, et si ce n'est pas le cas, ben, voyez-le ou revoyez-le. Et justement, au niveau de ces déshérités de la mémoire, il y a un article particulièrement intéressant dans une revue qui s'appelle Résister, que vous pouvez retrouver d'une part sur le site de la revue, hein, donc c'est 3W, donc résister, 3W.journal-résister, donc E-R, hein, résister, .org. 3W.journal-résister.org. Et vous pouvez sinon le retrouver sur Nancy, dans différents endroits, Crocus rue MacMahon, Vététique rue Saint-Michel, et dans deux endroits collectifs, CCAN, c'est le centre donc autogéré de Nancy, 69 rue de Mont-Désert, et quartier libre 11 grands rues. Sinon, donc, sur ce site, donc, journal-résister.org, un article relate les raisons de cette idée qui a germé, notamment avec le réseau d'éducation sans frontières, pour faire cette liaison entre 14-18 et 2018. Un sketch que l'on entend très rarement, et oui, c'est Claude Vanoni sur, eh bien, c'est une autre facette de Claude Vanoni. Eh bien, ça s'appelle La guerre, ça dure 7 minutes et effectivement, vous l'entendez très rarement, exceptionnellement, bien entendu, sauf si vous êtes auditeur des radios associatives qui se permettent, qui s'autorisent à passer ce type de sketch. La guerre, Claude Vanoni, à bientôt sur Radio Guémouzeau le samedi à 8h30, sur RCN Radio Caraïbes Nancy le samedi à 13h et le dimanche à 6h dans les Vosges samedi. Bon week-end à vous. Eh oui! C'est pas comme pendant la guerre. La vraie, la seule, la grande, celle des bandes molchères, de la musette du bidon et du bleu horizon. Celle de 14, ça c'était de la guerre. J'ai d'abord été incorporé au 170e d'infanterie pour faire mes classes. Alors là, t'aurais vu ça, badi, j'en ai pas. Hein. En avant, marche! 1, 2, 1, 2, 1, 2. Il savait compter que jusque-là. Repos, garde à vous, repos. Oui, ben plus de garde à vous que de repos, certes. En avant, un adjudant-chef. Mon, la peau de bête. Je m'en rappelle comme si c'était hier. Botrel qui s'appelait. Botrel, si je le retrouvais. Botrel cul, moi, celui-là. Il avait un drôle d'accent, je m'en rappelle encore, c'est toujours à moi qu'il en voulait. Moi, je m'en rappelle, il me disait, « Vous là, le Vosgien qui avait l'air si vif. Pouvez-vous me dire de combien de parties se compose le fusil ?»« Oh, ben, deux parties. » Et vous pouvez me les nommer, ces deux parties ?»« Ben, oui. Il y a le fût. » Et le zi. Ah bon, de mieux en mieux. Et vous pouvez me dire à quoi ça sert, selon vous, ce soi-disant fût et ce soi-disant zi? Ben oui, le fût, ça sert à fusiller, puis le zi à zigouiller. Ah ben il m'a laissé tranquille un moment, tu sais. Penses-tu, il nous apprenait des trucs impossibles sur les armes à feu. Il nous disait « La bombarde, c'est une arme individuelle ou collective, selon les cas, à tir soi-disant tendu. Il n'y a pas de hausse. Si la bombarde tire trop loin, reculez la bombarde. Si elle ne tire pas assez loin, avancez la bombarde. On distingue plusieurs sortes de coups, les coups courts et les coups longs. » Un coup est dilant lorsqu'il est plus lent que le coulant des coucours. Et réciproquement dit court lorsqu'il est plus court que le coucour des coulants. Il n'y a pas à se tromper. La bourre, très important la bourre. Introduire la poudre, bourrer ensuite avec du papier journal. Mais attention, pas n'importe quel journal. Un journal indépendant. Parce que les journaux de droite ou de gauche auraient tendance à faire dévier le tir. Il nous en a appris des trucs, tant que plus tout est bien. Quoi. Et puis, voilà pas que, un beau matin, mon régiment a été dissous. Vous pensez, dissous à l'époque? Ils m'ont muté à Saint-Quentin. Dans l'Aisne, dans les tranchées, dans l'eau jusqu'aux genoux. Vivement que ça gèle, qu'on puisse s'asseoir. Dans les chasseurs alpins à Saint-Quentin qui m'ont muté. Alors là, t'aurais vu, eh ben ça badigeonnait pas. Les pétants, les rasants, les attardements et tout le tremblement, ça en était fatigant à la fin. Eh, oh, tirez pas par ici, il y a des gens. Ils vous auraient blessé quelqu'un. L'ennemi, on leur tirait dessus avec des balles rouillées pour leur faire attraper le tétanos. La famine, mon vieux, on tuait les chevaux pour bouffer les harnais. Un beau matin, à bonne heure, en v'là notre tranchée qui va faire dans la tranchée voisine ce qu'il pouvait pas faire dans la nôtre parce que il y avait du monde. On l'entend crier. Hé les gars, j'ai fait des prisonniers. T'as fait des prisonniers? À toi tout seul? Oui. T'en as beaucoup? Oui, toute une compagnie. Toute une compagnie de prisonniers à toi tout seul? Mais tu sais bien qu'on lui crie, ramène-les, ramène-les. Mais je voudrais bien, mais il ne me laisse pas partir. Ça, c'était de la guerre. Un beau jour, on n'entend plus tirer. Mon... Ben, je dis, c'est peut-être que l'ennemi n'a plus de munitions. Ben, ça tombait bien, nous non plus. Notre lieutenant, qui était savant, hein, qui avait fait les écoles, il dit, bougez pas, je m'en vais parlementer avec l'ennemi. Le voilà qui sort en dehors de la tranchée, puis le voilà qui commence à crier, hé, oh, oh, en allemand, hein. Puisque vous n'avez plus de cartouches et nous non plus, je propose qu'on continue la guerre avec des cailloux, des gazons, des mottes de terre. Du monde, mais c'était moins dangereux la fois-là. Nous voilà tous sortis en dehors de la tranchée, mon vieux. Et je ping, et je paf, et je pof. Et... Oh, oh, pardon, mon lieutenant. Pour une fois que vous êtes devant. Passez donc derrière. Et je paf, et je... Ping et pof, mort. Tout d'un coup, je vois un bon gros hulan, tout rougeau, qui ne me voyait pas, mais moi que je voyais, je le vise. Mais un autre hulan qui me voyait, mais moi que je voyais pas, il me vise, paf, je prends un gazon en pleine figure. Je sens quelque chose de dur dans ma bouche, je croyais que c'était de la terre, je crache, c'était mes dents. Comme ça, au moins, quand j'avais peur, je pouvais plus claquer des dents. Et puis, il a bien fallu que ça s'arrête, sinon on y serait encore. Ils ont bien vu que ça servait à rien de se tirer dessus comme ça. Alors, ils m'ont renvoyé dans mes foyers, avec 3 blessures. Une au fond, une à l'improviste, puis une à l'amour propre. C'est là qu'il me fait le plus mal. Quand le temps va changer, mais... Et puis, voilà pas que l'autre jour, il m'appelle. Qui ça? Les autorités, la fois là. Ils me disent comme ça, on va vous récompenser. Oh, oh, récompenser des Vosgiens. On n'avait pas vu ça depuis que Napoléon avait décidé que la place royale s'appellerait place des Vosges. Ils me disent, on va vous donner une médaille. Ah, c'était pour une médaille. Ah, ben vous savez, les jeunes, vous pouvez encore y aller au tac-tac-poum-poum parce que des médailles, ils en ont plein des tiroirs.